que celui qui dit sa prière ou la zakat, c'est un kafir. Et ce n'était pas un khariji, l'imam Ahmed. Et c'était aussi l'avis de Ibn Mas'ud, ce sahabi, que celui qui ne paye pas la zakat, c'est un kafir. C'est un avis qui est, on va dire, faible, mais c'est un avis. Donc celui qui dit ça, on ne traite pas de takfiri ou de khariji. Non, ça veut dire que Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, c'est un takfiri ou un khariji ou ce genre de choses. Et l'imam Ahmed, rahimahullah, avait une troisième parole. Dans sa vie, il a eu trois paroles. Une troisième parole, c'est que celui qui délaisse un des cinq piliers, c'est un kafir. Cet avis-là, il s'est très peu répandu de par lui. Il a eu dans sa vie cette parole-là, mais il est encore plus faible que celui de dire que celui qui ne paye pas la zakat, c'est un kafir. Ce qui est le plus répandu de sa parole à lui et dans son madhab, c'est que celui qui ne fait pas la prière, c'est un kafir. Celui qui paye pas la zakat ou un des autres piliers, bien sûr, on ne compte pas la shahada, parce que là, il y a ijma, il y a une unanimité, que celui qui ne dit pas la shahada, bien sûr, c'est un kafir. Mais celui, par exemple, qui ne fait pas le hajj volontairement, ou qui ne paye pas sa zakat, ou qui ne jeûne pas le mois de ramadan, il est toujours musulman, mais c'est un fasiq, comme celui qui fait zina, qui vole, ou qui fait du riba, etc. Voilà maintenant par rapport aux avis des quatre écoles par rapport est-ce que celui qui dit sa prière c'est un kafir ou pas. À savoir que l'imam Abu Hanifa rahimahullah avait de ce qu'on appelle de l'irja, ce qu'on appelle irja al-fuqaha, c'est-à-dire que comme l'imam Tahawi rahimahullah a rapporté de lui, l'imam Abu Hanifa ne rentrait pas al-amal, l'acte, dans l'iman, dans la foi. Donc il sortait de ceci. Quand, si Inch'Allah, on va étudier des livres dans l'Aqida, on va étudier ce problème-là par rapport à l'Irja, et le plus faible des Irja, qui est ce qu'on appelle Irja al-Fuqaha, parce que beaucoup de savants dans le fiqh ont eu cet Irja qui est très faible. Mais bon, ils l'ont eu. Et de ce fait, Abu Hanifa, donc, ne sortait pas de l'islam celui qui délaissait la prière, ainsi que ceux de son madhab, car ils sont généralement tous des maturidiyah. Ça, c'est en versant dans la croyance, Inch'Allah. Pour l'imam Malik, à ce que je sache, il n'y a aucune parole de lui-même comme quoi il a précisé celui qui dit sa prière, c'est un kafir ou s'il est toujours musulman, mais fasiq. D'accord ? Jusqu'à maintenant, je n'ai pas trouvé une parole qu'on affilie à lui-même, que ce soit dans le Muwatta, son livre, ou dans autre. Contrairement à l'imam Shafi'i, à l'imam Ahmed. Maintenant, on va voir, toujours dans l'introduction, par rapport aux quatre écoles, celui qui ne délaisse pas la prière, là on va aller directement dans le quatrième madhab qui est le Hanbali, qui est d'accord. Donc la majorité des savants dans ce madhab Hanbali disent que celui qui ne fait pas la prière c'est un kafir. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Bah, c'est simple, comme tout murtad, c'est la peine de mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man baddala dinahu faqtulu. Et ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah. Donc, je vous traduis Man baddala dinahu, celui qui change sa religion, faqtulu, alors tuez-le. Ça, c'est donc l'avis de Mazhab al-Hanbali, que celui qui délaisse la prière, c'est la peine de mort, sauf si, bien sûr, il refait la prière, donc dans ce cas-là, il redevient musulman. Petite parenthèse, pour le murtad, pour l'apostat. Les quatre écoles sont d'accord pour que si l'apostat est un homme, masculin, d'accord, un homme, c'est la peine de mort. Que ce soit pour n'importe quand il devient apostat, que ce soit pour dans le madhab Hanbali par la prière ou par autre, que ce soit par la magie ou par le fait de se prosterner pour autre que Allah, n'importe quelle forme d'apostasie, l'apostat, si c'est un homme, il est condamné à mort dans les quatre écoles. Et certains ont même dit qu'il y a eu ijmar. Ibn Qudama, rahimahullah, a dit qu'il y a eu ijmar, unanimité de tous les savants, même autre que les quatre écoles. Mais il y a une petite parole sur ça, je ne vais pas rentrer en détail. Par contre, il faut savoir que pour la femme, si une femme apostate, dans le madhab al-Hanafi, elle n'est pas condamnée à mort. Dans le madhab al-Hanafi, elle est emprisonnée tant qu'elle ne se repent pas de son kufr. Donc elle est murtad, elle est apostate, mécréante, donc on ne peut pas se marier avec elle, etc. Si elle égorge une bête, elle est mécréante, donc sa bête est haram, etc. Par contre, on ne la tue pas dans le madhab al-Hanafi. C'est de base, notamment sur un hadith qui est faible. Et cet avis, notamment qu'on ne tue pas la femme de toutes les manières, personnellement c'est un avis faible. Par contre, dans les trois autres mazahib, donc le mazhab maliki, wa shafiri, wa hanbali, la femme, si elle devient apostate, c'est la peine de mort. Et il y a un autre avis qui est assez peu répandu, mais que personnellement je trouve le mieux par rapport au dalil, c'est qu'on fait la différence si ces femmes murtaddat, elles sont dans dal islam ou dans dal kufr. Pourquoi? Parce qu'Abu Bakr al-Siddiq, quand il a fait ce qu'on appelle les guerres de l'apostasie, C'est-à-dire qu'après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la majorité des musulmans, la quasi-totalité des musulmans, donc des arabes, parce qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était les arabes, ils sont devenus mécréants. Et Abu Bakr Siddiq, radiallahu, avec l'unanimité des sahaba, les a combattus avec les armes pour qu'ils reviennent dans l'islam. D'accord ? Et il faisait, donc il tuait les hommes, mais ce que faisait Abu Bakr Siddiq, c'est que les femmes, il ne les tuait pas, mais il les mettait en ranima. D'accord ? Donc ça devenait des femmes esclaves, car comme vous le savez, l'esclavage est halal jusqu'au jour de la résurrection. Il n'y a rien, aucun texte, rien qui a aboli l'esclavage en islam. Ce sont les koufars qui abolissent l'esclavage en islam. Donc Abu Bakr mettait les femmes murtadda, donc apostates, en tant que ranima. Et l'une des preuves de ceci, c'est qu'il a donné une femme de la tribu de Hanifa, et qui s'appelait qu'on appelait Hanifiya, et qu'il avait donné à Ali, radiallahu anhu. Et Ali a eu un garçon de cette femme esclave. Ce qui prouve, d'une, que les femmes esclaves peuvent ne pas être condamnées à mort, mais peuvent mettre en ranima, d'accord, en butin de guerre, et devenir esclaves. Et que de deux, l'avis le plus juste, parce qu'il y a divergence, est-ce que le musulman qui possède une femme esclave, il a droit d'avoir des rapports sexuels si c'est une femme juive ou chrétienne, mais il ne faut pas qu'elle soit mariée. Hein. Si elle n'est pas mariée, qu'il la possède, il a droit d'avoir des rapports sexuels avec elle si elle est juive ou chrétienne, sans aucune divergence. Il y a une divergence si elle est majusia, si elle est zoroastre, si elle est dans la région des mages, enfin, je ne me rappelle plus, les zoroastriens. Et notamment, si c'est encore plus, il y a très peu qui disent aussi que c'est possible si c'est autre que de ces trois religions. Et l'avis, bah, le plus juste par rapport à ce qu'ont fait les sahaba, c'est que c'est autorisé, parce que Ali radiallahu a fait ceci avec une apostate, qui n'est ni chrétienne, ni majusia, ni juive. Donc, dans le mazhab al-Hanbali, et dans le mazhab malikite ou al-Shafi'i, comme je vous l'ai dit, même la femme apostate, on la tue. Et dans certains savants disent, attention, si cette femme apostate est apostate dans Dar al-Islam, on la tue. Mais si elle est apostate et qu'elle est sortie de Dar al-Islam et qu'elle va se trouver, elle va prendre refuge dans Dar al-Harb, dans Dar al-Kufr, à ce moment qu'on l'attrape, à ce moment-là, on la fait rentrer dans le ranima, mais on la tue pas. D'accord ? Ça, c'est par rapport à, Inch'Allah, par rapport au problème de l'apostat, et notamment de l'apostat, est-ce qu'on la tue ou on la tue pas. Pour, comme j'ai dit, pour dans le mazhab, la généralité du mazhab, Hanafi, Malikite et Shafi'i, le fait qu'il délaisse la prière, on ne le tue pas, il est tué aux musulmans. Mais qu'est-ce qu'on fait d'eux? Il y a divergence entre le mazhab Hanafi et les deux mazhab, Malikite et Shafi'i. Comme je l'ai dit, le mazhab Hanafi, ils disent que ce soit l'homme ou la femme qui ne fait pas la prière, on les met en prison jusqu'à ce qu'ils se repentent. Et on les frappe jusqu'à ce que un peu de sang sorte. D'accord ? Et attention de ne pas mélanger entre l'apostate et celle qui délaisse la prière. D'accord ? Parce que je suis allé peut-être un petit peu trop vite. Dans Madame al-Hanafi, l'apostat, l'homme, on le tue. Et la femme, on ne la tue pas, mais on la laisse en prison jusqu'à ce qu'elle se repente. Là, maintenant, on parle de celui qui délaisse la prière. Dans le mazhab al-Hanafi, l'homme ou la femme qui délaisse la prière est toujours musulman. Mais quelle est sa punition? Sa punition est qu'on l'enferme en prison et qu'on la frappe, ou on le frappe, jusqu'à ce qu'il sorte un peu de sang, jusqu'à ce qu'il refasse sa prière. D'accord? Pourquoi, dans le mazhab al-Hanafi, il dit ça? Excusez-moi, je crois qu'il y a un petit problème de son. Il y a beaucoup de coupures. On m'a dit qu'il y a des coupures. Alors, je ne vois pas d'où viennent les coupures. Je vais couper autre chose. Excusez-moi, je vais couper des choses que j'ai sur Internet pour pas qu'il y ait de coupures dans le son. Ok, on me dit que c'est bon. Si il y a encore des coupures de son, que le frère me le dise. Hein. Donc excuse-moi, je continue. Donc j'en étais où? Ah oui, bon, voilà, maintenant qu'on a vu, comment dirais-je, on a vu si c'est un café ou pas dans les écoles. Maintenant, voilà, excuse-moi. Maintenant, on regarde quelles sont la punition pour ceux qui délaissent la prière. Donc dans le madhhab al-Hanafi, on ne les tue pas. Pourquoi? Parce que dans le madhhab al-Hanafi, il se base sur ce hadith qui est muttafaqun alayhi, donc il rapporte par le Bukhari Muslim, où le prophète a dit: le sang du musulman n'est pas halal, donc n'est pas autorisé de le tuer, sauf par un de trois, par une de trois choses. Et il a dit quoi? Celui-là qui a fait le zina, donc qui a fait l'acte sexuel hors de mariage et hors esclave, d'accord? Donc un acte sexuel illicite, et qu'il avait eu était marié avant, qu'il avait consommé un mariage. C'est ça, les amis, elle morsonne. Et ça, on dira, Charlotte, dans le film, d'accord? Donc celui-là, comme vous savez, celui-là qui a déjà été marié une fois dans sa vie au moins, et qui a consommé son mariage, d'accord, et qu'après ça, eh bien, il fait zina, eh bien, c'est la peine de mort, et comme vous le savez, par la lapidation. Deuxième cas, elle cote birayl al-haq, celui qui a tué sans droit, d'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle al-qatl ramda, c'est celui qui a tué volontairement. Et bien sûr, il faut que tous les asabat, les personnes de la famille du mort, qu'on appelle asabat, il faut qu'ils soient d'accord pour que la personne souhaite. Donc à ce moment-là, cette personne, on le tue. Et la troisième chose, comme a dit le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, at-tariq al-dinu al-mufariq al-jama'a. At-tariqa. Les dinihi al-mufariq al-jama'a. C'est celui qui a laissé sa religion et donc qui s'est divergé du groupe. Donc c'est-à-dire le murtad. Trois choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé de tuer seulement ces trois choses, ces trois catégories de personnes. Et donc, les savants du madhhab Hanafi disent soit qu'il délaisse la prière. Il n'a pas fait zina, il n'a tué personne, et il est toujours musulman, parce que pour eux, il est toujours musulman. Donc, on n'a pas à le tuer. C'est vrai que quand on regarde par rapport à ce hadith, et qu'on prend l'avis que celui qui ne fait pas la prière, il est toujours musulman, bah c'est vrai qu'il n'a pas fait zina, il n'a tué personne et il n'est pas sorti de l'islam. Ça, c'est l'avis de, comment dirais-je, du mazhab al-Hanafi. Alors pourquoi maintenant ils disent, mais on l'emprisonne et on le frappe? Parce que c'est pas on l'emprisonne seulement, hein, quand la personne délaisse l'islam, on l'emprisonne et on le frappe. Pour cette raison-là. Il y a un autre hadith, qui est aussi muttafaqun alayhi, où le prophète, qui est très connu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit: j'ai été ordonné de combattre. Qatil, c'est le combat. Il n'a pas dit jihad, je fais le jihad. Là, c'est quand on le verbe qatala, c'est le fait de combattre, donc le jihad, mais par les armes. À ce moment, il y a le mot qatil. À ce que je combatte, donc par les armes, les gens jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'y a pas de limité par Dieu, par Allah, sauf Allah, et que je suis son prophète, et qu'ils fassent la prière et qu'ils donnent la zakat. Et donc, ils disent, comme on doit combattre les gens jusqu'à ce qu'ils fassent la shahada, donc ils deviennent musulmans, et après jusqu'à ce qu'ils fassent la prière, donc s'ils font la prière, il faut faire un qital, les combattre. Et si on les prend, et qu'on ne peut pas les tuer et qu'on veut les combattre, donc on va les enfermer en prison, on va les combattre en les frappant régulièrement en prison afin qu'ils refassent la prière. Maintenant, on passe au mazhab al-Malikite et au mazhab al-Shafiri. Eux, ils disent, comme on a vu, dans la majorité des savants dans ces deux mazhabs, c'est pas tous, mais quand je dis la majorité, c'est pour ça qu'on dit le mazhab al-Maliki et le mazhab al-Shafi'i, ils disent que les deux disent que celui qui délaisse la prière n'est pas, il est toujours musulman. Ils disent que celui qui délaisse la prière, on le tue. D'accord? Homme ou femme, on le tue. Mais on le tue pas en tant que mécréant, murtad, en tant que mécréant apostat. Non, on le tue en tant que musulman. Comme par exemple le zani, celui qui fait l'acte sexuel hors mariage et hors esclave, alors qu'il a déjà consommé le mariage, au moins une fois, qu'il s'est déjà marié, qu'il a consommé le mariage, on le tue par lapidation. Mais une fois qu'il est mort, il est toujours musulman. Il faut l'enterrer comme un musulman, il faut la prière du mort sur lui comme un musulman. Donc ils disent qu'il faut la peine de mort celui qui laisse la prière.